Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de Schopenhauer, initialement diffusée en juin 2018, Schopenhauer où je fais un malheur. Aujourd'hui, quatrième épisode, Penser par le corps. Salut Germain. Ah Anouk. Ça va? Oui, et toi? Mmh. Et alors, tu as eu ta répartition? Oui. Ça te va? Oui, prof principal en seconde C. Oui. Et au fait, tu as lu la circulaire? Ah oui, le triomphe de l'égalité républicaine. C'est encore un truc bien imago, ça. Eh ben, tu m'as l'air bien pessimiste, toi, pour une rentrée. Ah, j'ai lu Schopenhauer tout l'été. Quand ce professeur dit qu'il a lu Schopenhauer tout l'été, de quel texte parle-t-il? De l'art d'avoir toujours raison? De son essai sur les femmes? De sa métaphysique de l'amour? Du besoin métaphysique de l'humanité? De la quadruple racine du principe de raison suffisante? Ou bien d'un extrait du monde comme volonté et comme représentation. L'ouvrage central de Schopenhauer, invendu en son temps, désormais devenu un classique, et dans lequel on trouve des textes sublimes et d'autres plus difficiles. Vous êtes sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. On commence par un texte difficile. La signification recherchée du monde, en tant qu'il se présente à moi simplement comme ma représentation, serait à jamais impossible à découvrir si le chercheur n'était lui-même rien de plus que le sujet purement connaissant, une tête d'angélée privée de corps. Or, lui-même a des racines dans ce monde et l'habite en tant qu'individu, c'est-à-dire que son connaître, support conditionnel de tout le monde comme représentation, lui est toutefois transmis par un corps dont les affections, comme il a été montré, sont, pour l'entendement, le point de départ de l'intuition du monde. Ce corps est, pour le sujet purement connaissant en tant que tel, une représentation comme une autre, un objet parmi les objets. Les mouvements, les actions de ce dernier ne lui sont, dans cette mesure, pas connus d'une autre manière que les modifications de tout autre objet de l'intuition, et il lui serait tout aussi étranger et inintelligible si leur signification ne lui était pas révélée d'une manière totalement différente. Le mot de l'énigme est bien plutôt donné au sujet de la connaissance, lequel se manifeste comme individu, et ce mot est « volonté ». Dans 50 minutes, ce texte vous paraîtra limpide. Grâce à vous, Hugo Battini, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire à l'Intégrale à Paris. Vous dirigez une collection aux éditions Ellipse, une collection de philosophie qui s'appelle « Aimer les philosophes », dans laquelle vous avez publié un ouvrage sur Schopenhauer, une philosophie de la désillusion. Vous avez également participé à la nouvelle édition du Monde comme volonté, comme représentation chez Gallimard, en folio essai. Et vous préparez un ouvrage sur Schopenhauer, c'est dire combien il vous accompagne. Et vous tenez le texte que l'on vient d'entendre comme le texte central dans la pensée de Schopenhauer. Oui, c'est parce que c'est un texte qui, pour Schopenhauer, est peut-être l'entrée dans ce qui fait la singularité de sa philosophie. Le texte apparaît au livre 2 du Monde, donc on peut dire que c'est un peu tard. Mais en réalité, dans le livre 1 du Monde comme volonté, comme représentation, il part du principe que, et on l'a déjà vu dans les autres émissions, que le monde est ma représentation. Voilà. Or, Schopenhauer devient vraiment Schopenhauer quand il arrive à dire ce qu'est la représentation, ou plutôt ce qu'il y a derrière la représentation. Petit rappel, pour ceux qui n'ont pas entendu les autres émissions, qu'est-ce que ça veut dire le monde est une représentation? Alors, la thèse principale de Schopenhauer, c'est de dire que le monde est représentation et volonté, c'est-à-dire que le monde que je perçois, le monde dans lequel j'évolue, est un ensemble de phénomènes, voilà, que Schopenhauer va penser comme des simples apparences, peut-être illusoires, et dont il va essayer de chercher quelle est l'essence qu'il y a derrière. Et cette essence, qui est normalement interdite, qu'on ne peut pas connaître, puisque Kant, et d'ailleurs Schopenhauer, se pense comme le seul disciple véritable de Kant, pour Schopenhauer, Kant a eu le grand mérite de séparer le phénomène et la chose en soi. Sauf qu'il ne se contente pas de les séparer, il interdit aussi la connaissance de la chose en soi. Donc l'enjeu pour Schopenhauer, c'est d'arriver à connaître ce qu'il y a derrière ces phénomènes. Ce qui veut dire qu'il brise l'interdit conscient. Il brise l'interdit conscient. Donc, il se revendique comme le seul héritier, mais il le contredit en tout point. Ah ben, à la toute fin du monde, il y a un appendice sur la philosophie ancienne où il fait deux pages d'éloge et puis 70 pages de critique, mais qui sont quand même très intéressantes. Et pour lui, vraiment, Kant est un point de repère, parce qu'il a instauré ça, et tous les penseurs entre lui et Kant, et qui sont pas non plus des penseurs mineurs, hein, c'est-à-dire Fichte, Schelling, Hegel, hein, qu'ils détestent, sont des penseurs totalement mineurs parce qu'ils ne comprennent pas justement comment accéder à cette chose en soi. Voilà. Et il y a un truc, c'est-à-dire que en réalité, parmi les représentations, il y a une représentation qui est très singulière, que je peux voir de deux côtés, et qui est le corps. Voilà. Et donc ce texte-là, c'est le moment, il en parle un tout petit peu avant dans le livre 1, dans le paragraphe 6, où il dit, voilà, le corps, c'est un objet immédiat. On sent qu'il y a une sorte de malaise autour de cette représentation-là. Et vraiment, à ce moment-là, le paragraphe 18 va vraiment exposer très clairement ce qu'est le corps. Et surtout, ce vers quoi nous amène le corps, c'est-à-dire vers le mot de l'énigme du monde, qui est volonté. De l'énigme du monde. L'énigme du monde, voilà. À plusieurs reprises, il dit, c'est la clé de déchiffrage. À un moment, il dit, c'est une sorte de pierre de Rosette, le corps, c'est une table de hiéroglyphes, mais qui va nous donner sa clé. Et donc, en réalité, il va accéder à la représentation par la représentation. Contrairement à beaucoup de philosophes qui rejettent la représentation comme quelque chose de négatif, Schopenhauer pense qu'il faut au contraire l'approfondir. Et il faut en approfondir une, particulièrement, donc, qui est celle du corps. Ce qui pose problème d'emblée, à savoir, un, quelle place pour le corps dans une pensée qui considère le monde comme étant une représentation mais innervée par la volonté, qui sont deux choses, représentation comme la volonté, n'appartiennent pas forcément au corps, en tout cas le lien n'est pas évident. Et deuxièmement, comment ce corps lui-même peut-il jouer un rôle si fondamental dans sa philosophie, alors que on vient quand même de consacrer 3 émissions à Schopenhauer, on a à peine parlé du corps, peut-être de la sexualité rapidement, puis on y reviendra, mais le corps semble surgir nulle part. En réalité, c'est la porte d'entrée vers la volonté. Donc c'est le point de départ de sa philosophie. C'est comme ça, je pense même que c'est comme ça que Schopenhauer est arrivé, c'est-à-dire qu'il a cherché cette expérience qui lui fournirait la clé du monde. C'est vrai que de Schopenhauer, ce qu'on retient souvent, c'est des aspects saillants de sa doctrine, c'est-à-dire le pessimisme, le pendule qui oscille entre la nuit et la souffrance, c'est aussi l'orientalisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des aspects très importants de la doctrine, mais qui sont connectés en profondeur avec la clé qui est la volonté. Or, le corps est ce qu'il appelle à plusieurs reprises le passage souterrain qui va permettre de rentrer dans une forteresse impénétrable. C'est ce que disait Kant, soi-disant impénétrable. Et donc, c'est pour ça qu'il a une place si particulière. Et en réalité, il surgit à plein d'autres moments. On verra par exemple dans l'esthétique. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que Schopenhauer arrive, entre guillemets, pour l'époque, tardivement à la philosophie. Il fait des études commerciales poussées par son père, qu'il méprise complètement, et puis il s'inscrit quand son père meurt. Il reste fidèle à la promesse qu'il lui a faite de ne pas faire des études classiques et de reprendre, entre guillemets, le comptoir familial. Et puis sa mère va le délivrer, donc sa mère qu'il déteste particulièrement va quand même avoir un geste pour lui, va le délivrer, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'inscrit pas en philosophie. Et il choisit Göttingen tout simplement parce que à Göttingen, il y a Blumenbach, qui est un des grands professeurs de physiologie, qui succède à Haller, qui sont les premiers à mettre en place la physiologie. Et donc Schopenhauer, pendant 2 ans, va disséquer, va travailler et va avoir une connaissance de première main. C'est le cas de le dire. La physiologie, exactement. Donc il commence par étudier le corps. Vous dites physiologie, on peut parler de médecine ou c'est vrai? Oui, ça correspondrait à ce qu'on appellerait maintenant des études médicales. Mais il est obsédé par la physiologie. Il y a plein de détails qui peuvent le montrer. Il suffit de regarder sa bibliothèque. Il se trouve qu'on a un très bon relevé de sa bibliothèque, même si une partie a disparu, en partie à cause de la guerre. Alors, c'est une bibliothèque qui est curieuse. On a des comptes rendus pour la revue des deux mondes de Chalmel Lacour qui va visiter Schopenhauer et tous les visiteurs sont étonnés par cette bibliothèque-là. Il y a un rayon d'orientalisme qui est probablement un des meilleurs en Allemagne et puis il y a surtout des livres extrêmement pointus sur la physiologie de son temps. Voilà. Et puis après, il y a un rayon plus amusant sur l'occultisme. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, Schopenhauer lit les philosophes, mais il ne cesse jamais de lire ce qu'il appelle les sciences naturelles, mais qui est la biologie, la physiologie tout particulièrement. On va venir dans un instant à l'importance de la physiologie en écoutant un autre texte sur le génie qui montre comment on peut finalement reconnaître un génie à la forme de son cerveau, à la forme de son crâne. Il va jusque-là et c'est un texte qu'on ne sait pas s'il faut le prendre au sérieux ou pas. On l'écoutera ensemble dans un instant, mais d'abord, restons un instant sur le texte qui a ouvert l'émission parce qu'on est loin d'en avoir fait le tour. Vous nous avez dit pourquoi il était central pour vous. Simplement parce qu'il l'est pour Schopenhauer. Il fait le corps comme étant le seul chemin d'accès possible vers sa pensée, vers une métaphysique en réalité. Mais le texte disait quelque chose de très surprenant. Il disait qu'en réalité, il n'y avait pas de différence entre mon corps, enfin au premier abord, entre mon corps et un objet du monde, qu'on pouvait considérer le corps comme étant un objet parmi tant d'autres. Alors qu'est-ce qui fait que mon corps est le mien et comment ce corps-là peut-il m'ouvrir la voie vers la métaphysique? Alors l'idée, c'est la thèse qu'il considère comme la plus importante de sa philosophie. C'est ce qu'il dit dans un autre ouvrage qu'il écrit beaucoup plus tard, en 1836, qui est La volonté dans la nature. C'est la question de la double connaissance du corps. Donc mon corps, en tant que sujet connaissant, je le perçois comme une représentation comme une autre. C'est-à-dire qu'il est dans le champ de la représentation. Mais ce corps-là n'est pas, contrairement à la bouteille d'eau qui est devant moi, où je n'ai absolument aucun accès derrière, ce corps-là, je le ressens aussi immédiatement en moi, comme une sorte de pulsion qu'il va appeler volonté. C'est ça, c'est-à-dire c'est l'enracinement que j'ai dans le monde qui me permet de saisir la face cachée de la représentation. Voilà. Et mon corps, c'est ce qui, il le dit dans le texte, hein, lui-même a des racines dans ce monde et l'habite en tant qu'individu. Et donc c'est par ce corps-là qu'il va accéder à la connaissance. D'ailleurs, il y a une parenthèse intéressante dans le texte, c'est une tête d'ange ailée privée de corps ne pourrait pas accéder à la métaphysique. Ce qui est quand même un paradoxe, puisque de façon un peu caricaturale, mais une grande partie de la philosophie se construit sur l'idée que le corps est plutôt perçu comme un obstacle à la connaissance. Mmh. C'est l'idée qu'il faut apprendre à mourir à son corps, se délier de son corps. Et Schopenhauer dit au contraire, sans corps, pas de métaphysique. Mais quel est le lien entre le corps et la métaphysique ? Il dit que c'est parce qu'il y a la distinction entre avoir un corps et être un corps. C'est parce que j'ai un corps comme un objet que je posséderais, que je suis un corps comme un individu, que la jonction entre les deux dimensions du corps peut se faire et peut me faire accéder à la connaissance. Mais comment le fait d'être un corps, et donc de saisir le corps de l'intérieur comme quelque chose qui me fait ressentir, éprouver des besoins, me fait-il accéder à la connaissance ? Il y a quand même un saut là. Ah, il y a un saut, oui. D'abord, c'est que ce corps, je l'éprouve. Voilà. C'est ça et qui rend réel d'ailleurs la représentation pour Schopenhauer. Il dit, le corps, c'est ce qui rend réel les autres représentations aussi. Donc, le corps que je perçois de l'extérieur comme une représentation classique, je le perçois immédiatement, c'est le immédiatement qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est soudain, comme une force pulsionnelle. Voilà. Alors, c'est vrai que cette connaissance-là, c'est pas une connaissance c'est abstraite. C'est pas une connaissance, là vous parlez de pulsion, donc c'est pas la connaissance. Non, et c'est pour ça, et Schopenhauer a critiqué là-dessus, c'est qu'il va en faire une connaissance métaphysique après, parce qu'il va y avoir une sorte de séparation avec ce corps qu'il va étudier. C'est pour ça que la physiologie va avoir un rôle essentiel pour essayer de comprendre comment cet objet si particulier qu'il perçoit des deux faces va pouvoir lui donner une information sur la totalité du monde et pouvoir dire que le monde est volonté, pas seulement mon corps. Voilà. Et ça, c'est ce qui est considéré comme le point faible de sa métaphysique. C'est-à-dire qu'on pense qu'il fait un raisonnement induit, un raisonnement analogique, qu'il va étendre ce qu'il ressent, lui, de son corps, à la totalité des phénomènes. Et identifier ce qu'il ressent de son corps, c'est-à-dire des instincts, des pulsions, à la volonté qui est censée être la chose en soi, l'énigme même métaphysique, ce qui est assez surprenant. Alors, exactement. Mais ce qu'il faut quand même lui reconnaître, c'est que lui-même dit, dans quelques paragraphes plus loin, dans le paragraphe 22, que la volonté est le mot le moins impropre pour qualifier cette essence du monde. C'est-à-dire qu'il est gêné. Il voit bien que le problème de la volonté, c'est qu'est-ce qu'on pense quand on pense à la volonté ? On pense à une volition, c'est-à-dire à une connaissance éclairée avec quelque chose, j'ai une idée et donc j'accomplis cette idée. Or, l'idée centrale de Schopenhauer, c'est que la volonté, elle est profondément justement inconsciente, elle est profondément sans raison. Et donc, du coup, il dit juste que parmi les mots qui sont à sa disposition, parmi les concepts qu'il a, le mot de volonté est celui qui exprime le plus directement ce qu'il éprouve de son corps. Voilà. Mais il reconnaît que c'est pas totalement la chose en soi. Ouais. Et l'autre paradoxe est aussi que si le corps est le lieu de la volonté, alors comment concilier mon corps avec le corps des autres ? Puisque le principe même de la volonté est que je la sens en moi. Mais idéalement, à terme, nous dit Schopenhauer, il faudrait réaliser qu'en fait, il n'y a qu'une volonté. C'est-à-dire que nous sommes tous comme un seul et même individu en réalité. Ouais. Or, qu'est-ce qu'est le corps si ce n'est ce qui nous individualise ? C'est ce que dit Schopenhauer. Donc, mon corps, c'est le mien, ça n'est pas le vôtre. Et il est très important que cette distinction tienne. Mais cette individualité est une illusion. C'est une illusion qui est générée par le principe de raison, c'est-à-dire en gros le principe qui ordonne et qui organise la représentation. Le monde comme représentation est profondément un monde illusoire, voilà, qui a fragmenté cette volonté une. Le principe de raison va, à travers ses formes, l'espace, le temps, la causalité, va me faire croire qu'il y a une multitude d'objets. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que, on l'a déjà vu, il y a certaines expériences, vous avez évoqué par exemple la question de la pitié, la compassion, qui me montre bien qu'à certains moments, je peux souffrir pour quelqu'un que je ne connais pas, et je ressens comme en moi-même la souffrance de cette personne. Donc Schopenhauer utilise certaines expériences pour montrer que ce corps que je m'attribue, que j'individualise, par moments m'échappe, ou en tout cas, je peux me rendre compte que c'est peut-être, cette individualité est peut-être illusoire. Ou en tout cas, qu'elle est le signe d'une universalité, parce que ce qui me fait souffrir les autres. Exactement, oui. Quiconque mettra sa main au-dessus d'une flamme sera brûlé et souffrira de cette brûlure. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'universel. on ressent effectivement, alors la souffrance c'est un des éléments importants, c'est même quelque chose de presque salvateur dans la souffrance qui va permettre une autre forme de révélation. Mais en tout cas, l'expérience de mon corps m'aide aussi à comprendre l'expérience des autres, celle des autres. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a deux expériences, principalement Schopenhauer, qui tend à me décorporéiser finalement. C'est l'expérience esthétique. Hein, face à dans un moment de contemplation, je me désubjective, ou plutôt je deviens ce qu'il appelle le sujet connaissant pur, pure contemplation. J'oublie les soucis du quotidien, j'oublie mon corps en tant que pure individualité. Et puis, la compassion. Mitla, ils sont interdits par pitié, mais c'est plus la compassion, au sens étymologique du terme, je souffre avec les autres. Voilà. Il y a des textes très bizarres dans le fondement de la morale où il dit c'est comme si mes nerfs allaient sous la peau des autres. Donc c'est bien l'idée que je ressens au sens le plus presque pathologique du terme, la souffrance d'autrui. Et voilà. D'où l'importance de la souffrance chez Schopenhauer, c'est parce que le point de départ est le corps, et le corps est aussi un corps qui souffre. Exactement, oui. Mais c'est aussi un corps qui jouit, qui a du plaisir, et ça peut-être qu'il insiste un peu moins là-dessus. Alors il insiste moins parce que le plaisir est illusoire. Le plaisir est purement négatif. Il n'a pas véritablement un contenu positif, dans le sens que la preuve, quand vous êtes satisfait, c'est le retour du pendule, c'est l'ennui. Hein, en réalité, c'est l'absence de souffrance qui produit un plaisir. Par contre, la souffrance, elle a une vraie existence ontologique chez Schopenhauer. C'est ce qui lui fera dire, justement, il dit, quand on regarde le monde, c'est un mot d'esprit qui reprend. Il n'y a pas de théodicée possible, on ne peut pas sauver Dieu. Par contre, l'existence du diable, elle n'est pas réfutée. Et justement, c'est lié à cette importance fondamentale de la souffrance chez Schopenhauer. Qui montre que son corps est vraiment le point de départ de sa pensée. Quand on sait par ailleurs que Schopenhauer, même s'il était seul et ne vivait qu'avec son chien, se délectait de repas et qu'il était un fin gourmet, on se doute que le plaisir avait quand même une importance pour lui, mais ce serait opposer la pensée à l'homme, et ça peut-être que c'est beauté en touche, non ? Oui, c'est vrai que si on regarde ce que l'on dit de sa vie, il n'y a pas une grande cohérence. Alors après, dans le cas de Schopenhauer, il faut quand même dire quelque chose, c'est qu'on est figé sur le daguerréotype qu'on a d'un vieillard un peu aigri, qui fait des bons mots, qui est avec son chien. Et c'est un peu une projection que lui-même a dans les petits dessins. Il se dessine lui-même, souvent dans les éditions, on voit les dessins qu'il a. Je pense qu'il y a eu autre chose aussi de Schopenhauer. Avant qu'il s'installe dans cette sorte de caricature, il faut aussi comprendre ce qui a pu l'aigrir. Vous en avez parlé, c'est le non-succès de son œuvre pendant des années. Il faut voir que très jeune, c'est 1819, il publie Le Monde. Il a l'impression peut-être que le monde n'attend que lui. Et puis rien. Rien, c'est-à-dire il n'y a pas de vente, il n'y a pas vraiment de recension. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est persuadé d'avoir la vérité. Il se rend compte, et c'est pour ça qu'on peut en voir avec la physiologie, plus les sciences de son temps avancent, et plus elle confirme son hypothèse fondamentale que tout est volonté. Que le monde, enfin qu'en réalité la nature est agie par une seule pulsion. Et donc il va écrire La volonté dans la nature, en 1836, dans lequel c'est une sorte de carnet de travail presque. Il compile toutes les preuves que la science lui donne raison, et personne ne l'écoute. Qu'est-ce qui va faire que Schopenhauer va devenir célèbre? C'est une mauvaise raison. C'est la publication des Parerga et Paralipomena, qui sont une sorte de... Parerga et Paralipomena. Oui, c'est une sorte de, pot-pourri finalement de tous ces essais où il n'y a pas ces essais les plus brillants forcément. Hein. C'est là aussi où il y a les bons mots qu'on a voulu retenir sur les femmes, sur sa misogynie, sur les aphorismes sur la sagesse dans la vie, qui sont pas des textes si essentiels que ça. Et là, avec ces textes mineurs, il va connaître le succès. Il va connaître le succès tout simplement parce qu'en Angleterre, en 1853, va paraître une recension dans la Westminster Review et qui va embraser l'Europe. Et Schopenhauer, et ça il ne faut pas l'oublier, Schopenhauer va être le philosophe le plus lu de la fin du XIXe siècle. Donc le type qui est resté isolé, seul, à attendre un succès qui n'arrive pas, publie, il y a des choses très intéressantes dans les Parerga, mais finalement ce n'est pas son grand œuvre. Et va toucher la célébrité. Et lui-même le dit, il y a une très bonne biographie de Schopenhauer de Rudiger Safranski, où il dit « à la fin de sa vie c'est une comédie ». Au moment où il est célèbre, il est temps pour lui de quitter la scène. Et donc, il n'en profitera même pas. Mais stratégiquement et cyniquement, on pourrait tirer des leçons de la vie de Schopenhauer. Peut-être commencer par publier des textes provocateurs et soi-disant secondaires pour se faire connaître et ensuite pouvoir publier son ouvrage central. Oui, son essai sur les femmes ne va pas rester, mais oui. On en parle encore aujourd'hui, en 2018. Oui. Quand même. Et chaque jour, chaque invité m'en a parlé. Alors, deuxième texte, un texte sur le génie que vous aviez proposé, Hugo Bettini. Alors, cette fois-ci, voilà, la définition du génie comme étant l'incarnation de la métaphysique du corps de Schopenhauer. Pourquoi le génie en particulier? Et surtout, à quoi reconnaît-on un génie? Eh bien, peut-être à la forme de son crâne. Écoutez le texte lu par Daniel Mesguich. Si nous considérons le génie d'un point de vue somatique, nous le voyons conditionné par plusieurs propriétés anatomiques et physiologiques qui, isolément, sont rarement parfaites, se trouvent encore plus rarement toutes réunies, mais sont toutes absolument indispensables. raison pour laquelle le génie n'existe que comme une exception totalement isolée, voire monstrueuse. La condition fondamentale, c'est une prépondérance anormale de la sensibilité sur l'irritabilité et sur la faculté de reproduction. Plus précisément, ce qui complique l'affaire, dans un corps masculin. Les femmes pouvant avoir un talent considérable, mais pas de génie, car elles restent toujours dans le subjectif. De même, le système cérébral doit être entièrement séparé et parfaitement isolé du système ganglionnaire, de façon à s'y opposer franchement, suite à quoi le cerveau sera capable de mener dans l'organisme sa vie de parasite de manière bien nette, séparée, vigoureuse et indépendante. Il est vrai qu'il ne tardera pas à exercer une influence hostile sur le reste de l'organisme, qui l'épuisera prématurément par sa vie intensifiée et par son activité infatigable. Il faut même un bon estomac en raison du consensus spécifique et étroit entre cette partie et le cerveau. Mais le cerveau doit surtout avoir un développement et une taille inhabituelles, et être particulièrement large et haut. La profondeur, par contre, sera moins importante, et le cerveau aura une prépondérance anormale sur le cervelet. Si sa forme, tant globale que partielle, importe sans aucun doute beaucoup, nos connaissances sont encore insuffisantes pour déterminer cette forme avec précision, bien que nous puissions reconnaître aisément la forme d'un crâne indiquant une intelligence noble et élevée. Voici Jimmy Neutron. C'est un garçon génial. Ma dernière invention, le rayon à rétrécir. Est-ce qu'il marche sur ta grosse tête? Ça marchera mieux la prochaine fois. J'aime Suzanne Neutron. Maman dit que tu es punie. Je devrais peut-être aller le voir. Oh non! Arrête sur image! La recherche est terminée. Mais la discussion continue sur France Culture, les chemins de la philosophie avec Jimmy Neutron. Souvenez-vous, Hugo Battini, peut-être le regardiez-vous quand vous étiez petit, cet écolier surdoué, hein, dont l'expression favorite est « cerveau en éruption », qu'il dit à chaque fois qu'il trouve la solution à un problème, et qui a cette particularité d'avoir un cerveau, ou plutôt un crâne, qui correspond exactement au crâne du génie tel qu'il est défini par Schopenhauer dans ce texte. Exactement, oui, c'est vrai que c'est... Alors le texte peut paraître un peu technique et puis de toute façon ne plus relever d'aucune scientificité actuellement. Mais c'est quand même un texte très intéressant déjà parce que Schopenhauer est obsédé par la question du génie, hein, qu'il travaille avant même d'écrire Le Monde dans ce qu'on appelle le Narlas, c'est-à-dire c'est notre manuscrit où il élabore ses notes de lecture, sa propre pensée. On retrouve très rapidement des notes sur le génie. Alors on sait un peu pourquoi, parce qu'effectivement, il est très sensible à la contemplation esthétique et il se trouve que la marque du génie, c'est précisément une haute faculté à l'intuition et donc à rentrer dans une activité contemplative. Alors, c'est aussi intéressant parce qu'on voit bien à quel point c'est pas exagéré de dire que les considérations physiologiques sont essentielles à la pensée de Schopenhauer. On a vu que le corps, avec le premier texte, était une sorte de clé, de sésame pour rentrer dans la représentation. Et donc, comme on n'a que lui, on va l'étudier au maximum. Donc, on va le découper, le disséquer. La représentation, finalement, qui est une surface, pour rentrer en profondeur, va être aussi une forme de dissection à l'intérieur du corps. Et donc, il va commencer très sérieusement à essayer de repérer ce qui, dans le corps, est de l'ordre de la représentation, ce qui va susciter la représentation, le cerveau, et ce qui est plus proche de la volonté. Alors, évidemment, il y a toute la question des organes sexuels. On oppose la tête au sexe, mais il y a aussi l'irritabilité musculaire qui partage tout le corps. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'un génie est un génie et pas l'homme du commun? Alors, en gros... bon estomac. Alors, un bon estomac, ouais. Il avait déjà anticipé sur... Déjà, si on se sent concerné par le bon estomac, c'est plutôt bon signe pour nous. Bon, il y a d'autres critères. Ouais, il y a d'autres critères. Il faut aussi, donc, effectivement, un très gros cerveau, une texture très fine, un afflux sanguin. Alors, ce qui fait qu'on peut pas être génial tout le temps, d'ailleurs. Il y a même un âge où après on décline. Mais en tout cas, il va faire des sortes de proportions. En gros, un homme, normal, il a 2/3 de volonté pour 1/3 de représentation. C'est-à-dire que son corps est principalement une irritabilité, une réaction au monde extérieur. Alors qu'un génie a 2/3 de représentation pour 1/3 de volonté. Voilà. Et donc, à partir de là, il essaye de comprendre comment c'est possible. Mmh. Et c'est possible tout simplement parce qu'il va détecter dans le corps une anomalie. Même, il le dit, un parasite. Le parasite, c'est le cerveau. Voilà. Le cerveau n'était pas, alors que nous on part du cerveau et on pense que c'est l'organe essentiel, n'était pas du tout essentiel à la conservation du corps. Il arrive très tard dans l'évolution, puisque n'oublions pas que Schopenhauer se sert du corps pour comprendre la totalité des êtres, de la pierre jusqu'au génie. Et donc du coup, il va réussir à comprendre que le corps existe bien avant l'avènement du cerveau, donc bien avant la représentation. Il peut exister un corps qui n'a pas de représentation, c'est le cas par exemple des végétaux, et c'est que progressivement, quand il va y avoir une complexification de l'objectivation de la volonté, c'est-à-dire qu'on va vers des objets de plus en plus compliqués, que le corps va devenir si compliqué qu'il va falloir des représentations pour le diriger. Et là va apparaître le système nerveux central, et puis il va grossir, jusqu'à atteindre des proportions anormales, monstrueuses, dit Schopenhauer, oui, dans le cas du génie. Voilà. Donc le génie, c'est un monstre par excès, il le dit à plusieurs reprises. Et donc ce qui fait le génie, c'est que il est moins sensible à la réactivité, à la, il le dit à un moment, l'irritabilité de la volonté. Voilà. Et donc du coup, il va pouvoir la contempler, la mettre à distance et la contempler. Donc paradoxalement, le génie n'est pas celui qui a plus de sensibilité, mais celui qui en a moins. Oui, dans ce sens-là, sauf qu'il... Alors, il faut distinguer sensibilité, voilà, et irritabilité. Irritabilité, sensibilité, justement, il les oppose, puisque la sensibilité, il le met du côté de ce qui arrive de l'extérieur, de la représentation, alors que l'irritabilité, c'est plus une sorte de réaction proprement interne. Et il va leur donner, d'ailleurs, une transcription anatomique. C'est-à-dire qu'il va opposer l'objectivation, la première de la volonté, c'est le sang qui ne s'arrête jamais, qui circule en permanence dans l'organisme. Et à la fin, la représentation, c'est le cerveau. Le cerveau, il faut dormir. Il y a une intermittence de la vie cérébrale qui fait qu'il ne se maintient pas tout le temps, ce qui prouve bien qu'il est totalement secondaire par rapport au reste. Et puis, si on observe la formation d'un embryon, le système nerveux se constitue plus tard. Voilà, c'est le système sanguin qui commence à l'époque de ses recherches, c'est en tout cas ce qu'il croit y voir. Donc effectivement, cette activité cérébrale, elle est secondaire, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'intelligence n'est pas faite pour connaître, elle est faite pour survivre. Et ça va être un élément essentiel aussi de sa philosophie. Voilà. Et donc le génie va être doté d'une sorte de force de contemplation énorme. Pourtant il a un très gros cerveau. Alors vous dites que le cerveau est... Alors oui, justement parce que en réalité, le cerveau, la grosseur de son cerveau est à la taille de sa capacité à contempler et donc à se représenter. C'est-à-dire que c'est les fameux deux tiers, un tiers, parce qu'il a un gros cerveau, il peut accéder à ces deux tiers de représentation et donc étouffer pendant un moment l'effort de la volonté. Voilà. Pour quelqu'un qui affirme qu'il n'y a pas de philosophie sérieuse qui ne soit pas idéaliste, qui donc fait vraiment, l'idéalisme, à savoir ce qui relève justement de l'esprit, non pas de l'expérience comme étant le centre et l'intérêt même de toute forme de philosophie, il est étonnant de le voir disséquer à ce point les corps et avoir cette approche qu'on jugerait aujourd'hui matérialiste. Mmh. C'est comme s'il y avait dans le corps un répondant à tout ce qui existe dans l'idée. Exactement, mais c'est le cas. Il y a une correspondance. Alors dans ce cas, pourquoi vanter les mérites de l'idéalisme alors qu'il procède à l'inverse? Alors c'est assez particulier. Alors là, pour le coup, c'est les Parerga qui livrent la clé. Dans le paragraphe 27 des Parerga, Schopenhauer explique quelle est la vraie méthode philosophique, parce que ça va de soi que c'est lui qui l'a. Oui. D'ailleurs, c'est un génie, non? Il a un gros cerveau. Il a un regard pénétrant. Oui. Ça y est. Mais, il a un bon estomac. Mais je pense que il a un bon estomac, donc je pense qu'il se catégorisait assez facilement du côté des génies. Mmh. En réalité, le problème de la philosophie, c'est qu'elle est incomplète. Quelle est l'erreur, selon lui, de Kant, de Locke, de Berkeley? C'est qu'ils, justement, ils ne prennent que le point de vue idéaliste. C'est-à-dire qu'ils partent du sujet et ils restent du point de vue du sujet. Donc, du coup, il dit qu'il faut compléter ce point de vue idéaliste pour avoir une sorte d'image complète par un point de vue objectif, ou ce qu'il appelle des fois le point de vue somatique, c'est-à-dire par le corps. Alors, évidemment, ça pose problème, parce que, évidemment, on voit une tension dans son œuvre entre, par exemple, un livre 1 et un livre 3 du monde, il y a 4 livres dans le monde, qui seraient du côté de l'idéalisme, et un livre 2 et un livre 4 qui seraient du côté, alors matérialiste ce serait un peu poussé un peu fort, mais une sorte de réalisme qui serait peu compatible. Pour Schopenhauer, et c'est un problème, c'est un problème que soulève la plupart des critiques, il faut arriver à compléter les deux points de vue pour les dépasser. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut avoir un point de vue surplombant. Ça a amené chez Schopenhauer à ce qu'on appelle un cercle. C'est-à-dire qui a été très vite, dès les premières recensions du monde, quand il était connu, parce que le monde est resté vraiment dans l'oubli pendant un moment, mais dès que Schopenhauer est connu, on a commencé à mettre le doigt là-dessus, c'est-à-dire l'idée, mais alors, si la représentation vient du cerveau, mais que le cerveau est dans la représentation, c'est voilà, ça. Donc on est face à une sorte de cercle vicieux, Voilà, c'est ce que les premiers commentateurs insistent là-dessus. Ernst Cassirer, qui va publier 4 volumes gigantesques sur la philosophie de la connaissance, donc un très grand professeur, enfin, et puis philosophe allemand, dans le petit chapitre qu'il consacre à Schopenhauer, insiste sur 2 choses. 1, ce qui fait la particularité de Schopenhauer dans l'histoire de la philosophie depuis Kant, c'est son ancrage physiologique. C'est le premier point. Donc, il part aussi de cette idée du corps. Mais 2, très vite, il dit comment sortir de ce cercle vicieux. Le problème, c'est que Schopenhauer l'a perçu dès le début, et même très tôt. C'est-à-dire que quand on observe ses notes personnelles, le fameux Narlas. Narlas, c'est les papiers qui restent, voilà, qui sont normalement pas publiés, alors qui sont pas publiés en français. Enfin, il y a 2 volumes qui viennent de sortir qui correspondent au premier volume allemand. Et donc là, on observe qu'il est pris par ce problème et il essaye de le surmonter. Et il pense qu'il peut le surmonter en créant une philosophie de la science. C'est-à-dire en ayant une sorte de connexion très profonde entre la spéculation métaphysique et la connecter toujours avec les résultats, les derniers résultats de la science. Mmh. Alors évidemment, il n'y a pas de sortie de ce cercle-là, je ne peux pas dire il y a une solution qui sort, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Schopenhauer en a pleinement conscience. Mais cette aporie, c'en est presque une finalement. Ah bah oui, c'est l'aporie du système. Ouais. Elle ne vous dérange pas quand vous travaillez sur Schopenhauer ? Non, parce que... Est-ce qu'on se dit pas aujourd'hui, la science ayant avancé, la physiognomie n'étant heureusement plus à la mode et cette contradiction vous pointez, est-ce qu'on se dit pas, mais alors, bon, il y a des choses qui sont encore vraies aujourd'hui, mais dans l'ensemble, le système est défaillant? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, je dis ça à dessein, hein, pour comprendre les raisons pour lesquelles on peut travailler sur Schopenhauer aujourd'hui. Oui, bon alors, Pierre, déjà c'est vrai que ce qui intéresse Schopenhauer, c'est souvent les conséquences de la doctrine. Donc le fameux pessimisme, voilà. Ce qui est quand même, ce qu'il faut quand même mettre à son crédit, c'est que effectivement le risque quand vous liez vos conclusions philosophiques aux résultats scientifiques de votre temps, évidemment c'est d'être périmé dès que les résultats scientifiques sont périmés. Alors je pourrais me faire l'avocat de Schopenhauer. L'idée du bon estomac, c'est quand même, ça fait la une de toutes les journaux de vulgarisation scientifique, l'idée du deuxième cerveau qui apparaît. C'est l'intestin. L'intestin. Bon, c'est pas très loin. Ouais, mais c'est l'idée qu'un autre cerveau se trouve. Voilà, l'idée d'un autre. Et ça, il le dit quand même relativement explicitement. Il dit il y a quelque chose qui joue là-dedans. Pareil, il regarde les ganglions et il les décrit comme de petits cerveaux dans l'organisme. Il y a vraiment une étude très précise et qui n'est pas, qui à son époque est extrêmement pointue. Après, est-ce que ça doit remettre en cause la totalité du système ? La dimension scientifique, non. En plus, ce que vous disiez sur ce cercle, dans lui-même avec conscience, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on puisse, et c'est d'ailleurs passionnant, qu'on puisse travailler et voir tout ce qu'il y a de bénéfique à prendre dans une pensée, tout en sachant qu'il y a un problème initial. C'est important d'entendre que c'est pas grave. Enfin, on n'est pas le système conscient est apparemment sans faille, parfait du début à la fin. Et pourtant, le système schopenhauerien qui lui a une faille visiblement pèse tout autant aujourd'hui. C'est parce que c'est pas que le système en fait qui survit, qu'il y a autre chose. Après, l'explication de pourquoi il survit, c'est qu'il impressionne énormément. Si on revient sur son succès tardif, pourquoi il devient l'auteur le plus lu de la fin du 19e siècle ? C'est simple. Il donne. Alors c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Enfin, son pessimisme, il y a déjà Leopardi en Italie. Enfin, il y a déjà quelque chose là-dedans. Mais vous allez avoir, en même moment, Dostoïevski, Tolstoï, Maupassant, Zola, Huysmans, en Angleterre, Thomas Hardy, tous, ils lisent Le Monde comme volonté et représentation, et là, ils trouvent des mots, une théorie qui correspond exactement à ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils vivaient à leur époque. Et ça, quand même, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à Schopenhauer, d'avoir saisi quelque chose, et qui prouve que la volonté... Alors effectivement, lui, il la rattache énormément aux études physiologiques, mais plus personne trop n'en parle de ces paragraphes sur la physiologie. Mais sa conclusion reste bonne. Et puis après tout, même si on peut nuancer, la psychanalyse se profile après Schopenhauer et elle revient sur cette idée-là. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la psychanalyse elle-même se retrouve dans une sorte de lutte, pas forcément, pas toujours, mais avec les neurosciences. Et on retrouve des oppositions que Schopenhauer posait déjà. Hein, Schopenhauer parle déjà d'un inconscient cérébral. À un moment, il y a un texte sur le cerveau, il dit, il pense que la pensée est à la surface du cerveau, et il dit la profondeur, il doit y avoir des mécanismes inconscients, il doit y avoir quelque chose qui se joue là, et qu'il appelle, justement, qu'il pense, alors inconscient, pas au sens de la psychanalyse, mais qui préfigure une forme d'inconscient. Et c'est aussi un des précurseurs de la pensée de l'absurde, qui ensuite fleurira jusqu'au XXe siècle, et encore aujourd'hui. Quand même faire le constat comparer l'existence à un pendule qui oscille entre la souffrance et l'ennui demande un certain courage. C'est aller à rebours d'une pensée qui devrait se maquiller de joie, de bonheur. Le but de la philosophie, c'est d'être heureux peut-être, mais d'abord, ce constat-là n'avait jamais été fait de manière aussi radicale. qu'avec lui. Effectivement, non, mais ça, c'est. Alors, c'est vrai que c'est un aspect qu'on va rester. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette absurdité, maintenant, on peut l'expliquer grâce à ce qu'on a vu, en particulier du premier texte, grâce au fait que ce qu'on a dit, l'intelligence, le fait de comprendre le monde, ben, c'est pas le but premier du cerveau. Voilà. Le but premier du cerveau, c'est pas de comprendre, c'est pas de connaître, c'est de survivre. Et donc, du coup, effectivement, le fait qu'on arrive à avoir cette capacité, cette compréhension, va nous permettre de prendre conscience de l'absurdité du monde. Pourquoi ? Parce que son principe est lui-même absurde. Grundlos, hein, son fondement, son raison, la volonté. Et donc, il y a cette idée-là, ce qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'il va complètement relativiser l'intelligence en l'intégrant dans un processus, dans la grande chaîne des vivants, comme une fonction. C'est pour ça qu'il y a une vraie rupture chez Schopenhauer, c'est-à-dire que si on prend les grands textes classiques où on voit qu'il y a une opposition entre l'âme et le corps, on voit bien qu'avec Schopenhauer, il y a l'idée d'une sorte de réconciliation presque avec le cosmos. Le premier texte, qui arrive à montrer que c'est à partir de l'homme qu'on va comprendre la nature, redonne un sens très clair avec l'idée que l'homme est la mesure de toute chose. C'est-à-dire que c'est à partir de l'homme qu'on va pouvoir comprendre la nature, le monde dans lequel on vit, et qu'on va saisir peut-être son absurdité. Voilà. Et ça, c'est une idée qui est assez profonde. Dans son carnet, il note, donc dans le fameux Narlas, je pense que c'est une pensée autour, un peu avant le monde, je crois que c'est du 116, il dit ne te comprends pas à partir de la nature, mais comprends la nature à partir de toi. Et il dit c'est la clé. Voilà. Pour lui, c'est la clé qui va permettre de débloquer la compréhension du monde. Et c'est ça. Et donc finalement, cette absurdité, elle est fondée quasiment physiologiquement, puisque notre cerveau n'est qu'un parasite. Il n'y a pas que le génie qui intéresse Schopenhauer dans le corps, ni la taille du cerveau, ni la taille de l'estomac. Vous disiez qu'il réduit l'intelligence, la portion en tout cas occupée par l'intelligence, et il s'intéresse beaucoup à l'amour, à la sexualité. On trouve dans le monde, comme volonté, comme représentation, un chapitre qui s'appelle « Métaphysique de l'amour sexuel », et tous les termes sont à prendre au sérieux. Il s'agit bien d'une métaphysique qui part de l'amour et surtout de l'amour sexuel. Voici donc le texte précédé par une illustration contemporaine, la métaphysique, l'amour et le sexe, et puis le texte de Schopenhauer. C'est bizarre parce que chez les animaux, la saison du rut dure 2 mois. Et il n'y a que chez nous, les êtres humains, que ça dure toute l'année. Oui, enfin, surtout chez Jean-Georges. Chez le Jean-Georges. Moi, j'aimerais bien que ça dure que de janvier à mars, par exemple. Comme les chiens. Comme ça, le reste du temps, je pourrais manger et dormir. J'en peux plus, les mecs. Je passe à la cassolette tous les soirs. T'inquiète pas, Pierre. Avec le mariage, ça ne durera pas. Ah bon? Et toi, alors, avec Alice? Alice? Une catastrophe. Elle veut qu'on soit amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a de catastrophique, qu'on est amis? Mais non, mais l'amitié, c'est comme l'amour sans sexe. C'est-à-dire qu'on enlève le truc le plus intéressant, quoi. Enfin, en tout cas, l'important, c'est que tu la rappelles jamais. Allô, Alice, c'est... Ouais. C'est Marc. Ah, ça va? Oui, c'est super. Je pensais à toi. Enfin, en tant qu'ami. Oui. T'as vu le temps qu'il fait dehors si on allait se balader? Écoute, j'ai un shooting Place Dauphine, une pub. Ah, tu sais que c'est un endroit que j'aime beaucoup. André Breton disait que c'était le sexe de Paris. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est en forme de triangle, avec plein de buissons au milieu de la Seine, c'est ça? Mais ça reste quand même une promenade amicale. Ah oui, bien sûr, évidemment. Tu me connais. Tout état amoureux, si éthéré qu'il puisse paraître, s'enracine dans la seule pulsion sexuelle. Plus, il n'est absolument qu'une pulsion sexuelle plus nettement déterminée, spécialisée et individualisée au sens le plus strict. Compte tenu de ceci, considérons le rôle important que joue l'amour sexuel dans tous ses degrés et dans toutes ses nuances, non seulement dans les pièces de théâtre et les romans, mais encore dans le monde réel. Avec l'amour de la vie, il apparaît comme le plus puissant et le plus actif de tous les mobiles. Il sollicite sans relâche la moitié des forces et des pensées de la partie plus jeune de l'humanité. Il est l'objectif ultime de presque toutes les aspirations humaines. Il exerce une influence néfaste sur les affaires les plus importantes. Il interrompt à toute heure les occupations les plus sérieuses. Il plonge parfois dans une confusion momentanée même les plus grands esprits. On a alors envie de s'écrier « Pourquoi autant de bruit ?» Pourquoi cette bousculade, cette fureur, cette angoisse, cette détresse? puisqu'au fond, il s'agit seulement pour chaque Jeannot de trouver sa Jeanneton. Pourquoi pareille broutille doit-elle jouer un rôle aussi considérable et provoquer autant de troubles et d'embarras dans le cours si parfaitement réglé de la vie humaine? Mais au chercher sérieux, l'esprit de vérité révèle bientôt la réponse. Ce n'est pas d'une broutille qu'il s'agit. Au contraire, le sérieux et l'ardeur de l'agitation sont à la mesure de l'importance de la chose. La fin ultime de toute intrigue amoureuse, qu'elle soit jouée en brodequin ou en coturne, est réellement plus importante que toutes les autres fins de la vie humaine, et justifie par là cette profonde gravité avec laquelle tout un chacun la poursuit. Car ce qui s'y décide n'est rien de moins que la composition de la génération future. Pourquoi se moquer de l'amour sexuel quand, nous dit Schopenhauer, ce n'est pas d'une broutille qu'il s'agit? Au contraire, le sérieux et l'ardeur de l'agitation sont à la mesure de l'importance de la chose. Voilà qui s'adresse à ceux qui ont souri en écoutant l'extrait de L'amour dure 3 ans, hein, le film de Beck Bédé, qui met en scène les questions que l'on se pose lorsque précisément on s'interroge sur le rôle de l'amour, de la sexualité dans la vie. C'est la chose la plus importante, nous dit Schopenhauer, Hugo Battini. Oui, alors c'est la chose la plus importante pour la volonté. C'est-à-dire que c'est ce que sous-entend le texte, c'est-à-dire qu'on est dans le cas de l'amour. Alors avant, hein, la première traduction française, c'était la métaphysique de l'amour. Et effectivement, c'est la métaphysique de l'amour sexuel. Mm-hmm. Ça a été donc rétabli sur la traduction. Je pense que ça a été fait pour atténuer. C'est cette idée qui est que finalement, on essaye de se cacher la réalité des choses, mais que derrière ce que l'on pense être éthéré est en réalité quelque chose de beaucoup plus trivial et sexuel, et qui est la chose la plus importante, puisque ce que vise la volonté dans la reproduction, c'est tout simplement sa reproduction à l'infini. Voilà. Donc ça, c'est un point assez intéressant et qui, effectivement, va faire partie des textes. On en parlait, hein, qu'est-ce qui fait que Schopenhauer est encore lu aujourd'hui? Ce texte-là fait partie des textes importants et qui préfigurent aussi, d'une certaine façon, Freud sur ce genre de mobile, sur Eros, qui peut être à l'origine de toute une série d'actions. Donc voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette métaphysique de l'amour sexuel, c'est de la force de la désillusion. C'est-à-dire que la philosophie de Schopenhauer, si elle est aussi importante, c'est qu'elle lève le voile sur un certain nombre de choses auxquelles on attachait encore un prix. Maupassant, auprès d'un mort, dans une nouvelle, raconte la veille du corps d'un homme qui, on comprend, est Schopenhauer. Et il le décrit comme le plus grand saccageur des rêves de l'humanité. Et il y a des chances qu'il pense à ce texte-là. Voilà. Ce texte-là, enfin, qu'il pense à cette théorie-là. Alors ça, on le sait aussi pour une raison très simple qui est éditoriale. C'est que le monde n'est pas traduit tout de suite en français. Paraît en premier un mélange de pensées et de choix de texte. Et récupère les textes, alors on pourrait dire les plus racoleurs, mais qui sont en réalité les textes, bah évidemment, le fameux essai sur les femmes, beaucoup d'extraits, la métaphysique de l'amour sexuel, et qui vont avoir un impact étonnant sur, dans le cas de la France, sur les écrivains français. Mais il faut dire quand même que la thèse est étonnante, puisque vous l'avez présentée comme si elle était évidente, mais enfin rien n'est moins évident que d'imaginer l'amour comme étant une ruse de l'espèce pour se reproduire. C'est quand même ce qu'il dit. Oui, c'est quand nous croyons être amoureux, enfin nous le sommes sans doute vraiment, mais c'est la nature qui se joue de nous pour mieux se reproduire. Si on recolle avec l'extrait d'avant, c'est l'idée que pour soutenir Schopenhauer, que l'amour dure 3 ans. Voilà. C'est ça. Que c'est toutes les phrases un peu misogynes sur l'idée qu'une fois, il y a un texte comme ça, c'est Maupassant qui reprend ça, dans une nouvelle où le personnage est amoureux d'une femme et puis il la voit enceinte après. Donc ils sont ensemble, elle tombe enceinte et il la décrit comme un animal. Et donc il y a cette idée que cette passion amoureuse, elle est toujours ressentie comme quelque chose d'extrêmement fugitif. Et Schopenhauer est capable d'expliquer ça. Il l'explique. Alors pourquoi, même des gens très intelligents, il y a tout ce passage sur que ça occupe tout le monde. Tout le monde est vraiment logé à même enseigne sur la question de l'amour. Pourquoi finalement il y a cette espèce de disparition du sentiment amoureux et à la fin une forte déception. Et donc ça c'est lié à plein d'autres textes, plein d'autres conséquences de la théorie. Sur ce dont on a parlé, l'absence de plaisir, l'amour promet un plaisir qui n'arrive jamais. C'est intéressant parce que ce texte-là est commenté, vous en avez déjà parlé dans d'autres émissions et puis c'est l'occasion de lui rendre hommage, par Clément Rosset, Clément Rosset, qui est un vraiment grand lecteur de Schopenhauer, et qui revient dans ses propres livres sur cette question de la déception de l'amour physique et sexuel. Et il prend justement comme exemple l'acte physique, qu'il promet toujours plus que ce qu'il donne. Et donc Schopenhauer, dans ce texte-là, et dans la suite, hein, le dit très bien, le plaisir annoncé qui fait qu'on est capable de tout arrêter, arrêter toutes les affaires, séances tenantes, n'arrive jamais. Et surtout, ce qui arrive après, c'est une immense déception. Oui, il arrive, mais il ne dure pas. Et même quand il arrive, il est décevant, en tout cas tel que le décrit Schopenhauer, il est décevant. Hein, c'est la métaphore quand il dit « la vie est une entreprise qui ne couvre pas ses frais ». C'est exactement ce qui se passe avec le plaisir sexuel chez Schopenhauer. Voilà. Ça veut dire que l'amour serait la preuve que le devenir de l'espèce est plus important que le devenir individuel. Ah ben, tout à fait, oui. C'est pour ça, ça permet d'expliquer par exemple la question des suicides altruistes. C'est-à-dire par exemple une mère qui va se sacrifier pour son enfant. Schopenhauer, il est intrigué par ça, parce qu'on n'arrête pas de dire que l'être, l'individu est parfaitement égoïste. Et donc du coup, comment concilier cet égoïsme avec le fait qu'on va tout arrêter pour justement l'être aimé, qu'on va se sacrifier pour des enfants? Ben, c'est tout simplement que l'individu, mais c'est ce qu'on avait dit au début, l'individu n'est rien. C'est purement illusoire. Ce qui compte, à la fin, c'est l'espèce. C'est intéressant, par exemple, dans la façon dont Schopenhauer décrit la rencontre amoureuse, le coup de foudre, le premier regard. Il le dit, l'enfant est déjà là. C'est-à-dire, c'est comme si c'était l'enfant qui réunissait les parents. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est l'être futur qui va naître et qui va être une reproduction du caractère. Voilà. C'est une façon de s'infinitiser. Et c'est ça qui est assez important à la métaphysique de... C'est pour ça que c'est une métaphysique. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est une métaphysique parce que ça dépasse quelque chose de purement physique, pour le coup, pour aller bien au-delà. C'est vraiment un des motifs chez Schopenhauer. Alors on peut peut-être regretter qu'on s'arrête souvent sur ce type de motif-là, mais c'est aussi parce qu'il est très important et qu'il va avoir une postérité littéraire et puis aussi scientifique, finalement, si on prend en compte la psychanalyse essentielle. C'est ça qui est... Il y a par exemple une illustration parfaite de ce texte-là, c'est dans Thomas Hardy, Jude l'Obscur, qui est un texte vraiment génial, qui est schopenhauerien de bout en bout. D'ailleurs, il y a l'idée, je pense qu'un des personnages, un des enfants de Jude l'Obscur est probablement Schopenhauer. Celui qu'il appelle le petit père du temps. Bon, il ne faut pas dire la fin du roman, mais il y a une sorte de rebondissement là-dessus. Enfin, il se trouve qu'en tout cas, il y a des scènes de rencontre dans le roman, et le personnage va tomber pour la première fois amoureux d'une fille, Arabella, et qui a toutes les caractéristiques négatives de la femme chez Schopenhauer. C'est-à-dire qu'évidemment, elle va le piéger. Voilà, lui qui était promis à un avenir fait de culture, qui ne pensait qu'à ça, aux auteurs classiques et tout, va tomber dans le mariage. Et dès la nuit de noces, va voir qu'il ne va pas obtenir ce qu'il a promis. C'est un passage très dur du roman. Il marche, il est tailleur de pierre au début, mais c'est un moyen pour aller vers la ville et pour pouvoir se cultiver et devenir une sorte d'intellectuel. Et il entend rire, alors bon, c'est un peu une caricature, et il reçoit un peu d'eau, une sorte de boyau qui lui a été jeté, et il tombe amoureux de cette fille. Et il y a une description... du point de vue du personnage, où elle est magnifique, on décrit sa chevelure rousse, et donc il y a une sorte de fixation du personnage pour la chevelure rousse. Voilà. Mmh. Il la retrouve, il la revoit, elle va le faire boire, ils vont se marier, et le jour de la nuit de noces, il se rend compte, quand il est allongé sur le lit, il la regarde se déshabiller sur le miroir, et elle enlève, c'est un ajout de cheveux. Et là, dans la description, il y a vraiment cette idée d'une ruse. La ruse où il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Et la ruse est toujours du côté de la femme ? Pour Schopenhauer, oui. Il le dit, alors même physiologiquement, il va le prouver. Il va dire, c'est simple, regardez un homme, une femme, chez l'homme, les organes sexuels sont apparents. Donc on peut pas tricher. On peut pas tricher. Chez la femme, ils sont intérieurs. Voilà. Et donc déjà, il en fait. Alors voilà, il utilise encore une fois le corps. Enfin, c'était mal connaître l'anatomie des corps féminins quand même. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il dit, voilà, c'est déjà une preuve quasi physiologique qu'il y a quelque chose de l'ordre de la ruse. Alors quand même, il faut quand même reconnaître, Schopenhauer dit, l'intelligence quand même vient de la femme. C'est-à-dire qu'il y a toute une sorte de théorie sur la procréation. L'homme donne la volonté à l'enfant, l'intelligence vient de la mère. Oui, mais vous venez de dire qu'il réduisait l'importance de l'intelligence à vraiment une faible portion. L'importance de l'intelligence du point de vue de la nature. Mais pour lui, c'est ce qui lui permet d'être philosophe, c'est ce qui lui permet d'être artiste. Il y a aussi un éclairage. Et ça, c'est intéressant, parce que là encore, il faudrait s'interroger sur sa biographie. Sa mère est un auteur à succès. C'est l'ami personnel de Goethe. C'est intéressant finalement de s'interroger sur qu'est-ce qui fait que Schopenhauer, à la fin, c'est dans le C'est dans ce chapitre-là, hein, dans le chapitre 44 des compléments du monde, où il y a la métaphysique de l'amour sexuel, il va expliquer ça, il va quand même doter la femme d'une forme de sensibilité et d'intelligence. C'est elle qui va donner cette caractéristique à l'enfant. Voilà, je dis pas que ça sauve l'essai sur les femmes qui est effectivement ignoble, mais ça permet un peu de relativiser la façon dont il le pense. Voilà. Donc même l'amour que l'on vit comme étant une chose qui s'oppose en tout point à notre volonté est une manifestation de la volonté pour Schopenhauer. Voilà. Exactement. Et donc on peut pas trop se fier à notre expérience en réalité. Non, mais c'est même le projet le plus sérieux de la volonté. Hein, parce que finalement, il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est qu'est-ce que veut la volonté? Voilà. Alors évidemment, elle est censée ne rien vouloir. Il y a quand même dans le texte qu'on regarde précisément, puisqu'elle est sans fond, sans raison, hein, et elle est absurde. Il y a quand même deux choses. C'est-à-dire que déjà, la volonté, elle semble vouloir la reproduction. Elle semble vouloir sa perpétuation infinie. Puis après, si je peux revenir sur la question du génie, il semble aussi qu'elle veut se connaître. Et ça, c'est une thèse qui est chez Schopenhauer, c'est l'idée d'une autoconnaissance. Si on observe, et donc là, ça nous rassemble nos trois textes ensemble, si on observe le corps, si on observe la façon dont les différents êtres s'agencent les uns les autres, on voit, anatomiquement parlant, une sorte de progression qui fait qu'effectivement, la vie donne accès à des êtres de plus en plus capables de tomber dans la représentation. Donc avant qu'il y ait les organes de la représentation, la vie n'est que volonté, si vous voulez. Et puis d'un seul coup, il y a la représentation et ça ouvre un vaste monde, qui va être le monde de l'art d'ailleurs, aussi, qui va en générer. Et donc, il y a la question qu'on pourrait se poser, c'est la volonté, elle veut se perpétuer, le texte nous le montre, et elle veut se connaître. Ça, c'est un point essentiel. Eh bien, merci d'avoir posé ces questions en fin d'émission, parce que du coup, on peut avoir envie de trouver la réponse au sein des textes. Grâce à vous, notamment Hugo Battini, puisque vous avez participé à la nouvelle édition du Monde comme volonté et représentation de Schopenhauer chez Gallimard, en folio. Et puis, je renvoie la lecture de votre livre sur Schopenhauer, Une philosophie de la désillusion, qu'on trouve aux éditions Ellipse. On se quitte avec Bloodhound Gang. Décidément, c'est une émission spéciale années 90. Sweat, baby, sweat. Sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You've had enough of two hand touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca-Cola stock. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. And me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get horny now. The Bad Touch de Bloodhound Gang. Pour terminer cette série sur Schopenhauer, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie que vous écoutez. Il est temps à présent de retrouver Géraldine Mosnier-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis lundi, j'ai constaté que mes proches, qu'ils travaillent ou pas, qu'ils soient confinés ou obligés de se déplacer, étaient coupables de quelques inexactitudes temporelles. Des oublis sur les dates, sur les jours de la semaine ou sur le dernier moment où on s'était appelé. C'est vrai que l'on n'est pas un jour près et que j'ai moi-même du mal à distinguer un lundi d'un jeudi. Il faut le dire, depuis les mesures de quarantaine, les journées s'enchaînent et se ressemblent toutes. Serions-nous en train d'expérimenter un nouveau rapport au temps? Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Mais calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout! Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes! Intact? Mes mères, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mes mères, de quand sont-ils? Oh. Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur. Depuis quelques jours, je vois passer sur les réseaux sociaux cette blague. Au découpage des jours et des semaines que l'on connaît, se serait substitué un découpage beaucoup plus élémentaire, hier, aujourd'hui, demain. De fait, notre emploi du temps ne ressemble plus à celui que l'on connaissait. Plus de différence entre les jours ouvrés et le week-end, entre un lundi et un jeudi, entre un réveil et un autre, entre un soir et un autre. Les jours, datés, nommés, identifiés, semblent avoir laissé place à ce qu'on appelle en linguistique les déictiques. Ces expressions comme « aujourd'hui » ou « demain » qui n'ont de sens que dans un contexte particulier d'énonciation. Tel ce message envoyé il y a 2 mois par exemple, « n'oublie pas d'apporter du pain demain » qui n'a désormais plus de sens,